5 horas em Portugal continental e na Madeira, 4 nos Açores. Conscient 96.2, bienvenue à vous et bien sûr dans votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe avec le groupe Bless tout de suite pour vous mettre dans cette ambiance. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça donne la pêche, j'en ai besoin ce soir parce que je veux vous dire que j'ai eu une journée un petit peu particulière sur le 96.2 du Zouk, du Compas. Un petit peu de salsa, ouais, j'ai prévu. 96.2, c'est la bonne fréquence. Merci pour votre fidélité à votre émission Groupe Tropical. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Je croyais, il y a amour. Alors, je le Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. En tout cas, j'espère que vous êtes partout nus parce que la musique et la danse, c'est la vie sur le 87.2. N'hésitez pas, restez bien calés en plein, un plein de soleil. C'était le retour de Chitaï. Oh, bah, j'allais le dire. C'est pas grave. Pour ceux qui les connaissent, je pense qu'ils avaient reconnu. Et c'était le titre Adela. Un bien fou. Ah. Tous ces moustillés. Nous comptons, faites-y compte, faites-y fâcher. Mais, faut pas j'en méditer. Nous pas plus tard, nous pas plus tard. Regarde, qu'est-ce que ça me fait. 18h-20h, c'est votre émission Groupe Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. C'est ça l'amour, mané. C'est fait, il faut que tu là. La vie est tombée, mais l'amour n'est pas là. comme si c'est l'un des qui existait sous tes ça. Pour aimer, moi, aimer, personne n'a pas changé ça. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Toutes mes mélos, c'est toi qui les inspire. Je suis devenu fanatique, j'ai rien vu venir. J'étais sans cesse dans la tête des affaux, la merde, je fais qui penser. Maintenant que je te connais, je t'aime à la folie. J'étais sans cesse dans la tête, ça va foutre la merde. La merde, oh. C'est toi ma superwoman, obligé de tomber là. Viens qu'on s'en aille loin d'ici. Le monde est méchant dehors. Sors-moi de ma peur, d'aimer, sauve-moi. Personne peut le faire, sauf toi. Pas de ma superwoman. Sauve-moi de ma peur, mais sauve-moi. Personne ne peut le faire, sauf

Souvenir avec Jean-Luc Gouanel, Sweetie Doudou. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de choses, en tout cas sur le 96.2. Vous aussi, parce qu'on me le dit par téléphone. En tout cas, merci beaucoup d'être à l'écoute du 96.2, votre émission Groupe Tropical, qui continue d'ailleurs avec des petites nouveautés, parce qu'on en veut aussi hein, quand même. Le jeune homme s'appelle Michael et c'est ambiancé. Et tout de suite après, un petit peu de compas. Ouais. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Qui combat ça? Ça se combat? Ça se combat? Ça se combat? La guerre pour yo, la guerre pour yo. Dernière musique là, bon allez, bon allez. Ouais. Tellement fait jalousie, gardez le petit vieilli. Il est toujours pas plaisir, pas de chance de l'aimer. Lely by love, yo fell short. Lely by tell, tombe dans l'air. Quand il est bouqué, crier. S'il lui blesse, son crier. Tout le monde, yo, quand même, yo déjà. Allons, c'est ramassé, ramassé. De l'eau à pas bon, non, pas bon. Ramasse, ramasse, tout pour la pointe, tout pour la paille. Ramasse, ramasse, jalousie par la porte étendue. Ramasse, ramasse, si tu es au bici ou pas le souffrir, il me passe pour flâner. Ni besoin, je bouquet, pour te le parquer. Toujours un petit son pas bon, ou d'un babay satisfaction. Satisfaction. Lely by love, yo fell short. Lely by care, tombe dans l'air. Vas-y par la velle. Moi, si les bouquets crient, crient. Si les blesses sont crient, crient. Tout le monde, yo, dans mes mains, yo déjà. Alors c'est, ramassé, nap, ramassé. De l'eau à pas bon, nap, pas bon. Ramassé, nap, ramassé. DJ Flow à pipe, DJ Flow à bon. Ramassé, nap, ramassé. Jalousie par la porte étendue. Ramassé, nap, ramassé. Qui ça? Ramassé, nap, ramassé. Tenez ça. C'est beaucoup pas de meilleurs l'air. Non. C'est beaucoup pas vous vite gourmet. Non. C'est beaucoup pas vous faire macaque. C'est pas là. Ça se coupe pas. Déchirez ville. Oh! Sobo de coco. Qui coupe ça? Ça se coupe pas. Déchirez ville. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Côté mesdames qui remet déjà ça, mais on l'air. Côté messieurs qui remet déjà ça, mais on l'air. Côté fanatique Paris, yo, mais on l'air. Si nous là, mais on l'air. Si nous là, mais on l'air. Côté mesdames qui remet déjà ça, mais on l'air. Côté messieurs qui remet déjà ça, mais on l'air. Côté fanatique Paris, yo, faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit. Qui vous passe ça? Ça se coupe pas, cache les pilotes. Ha ha! Oui! Sur le dos, bon bon. Quitte le marché, quitte le marché, quitte le marché. Ok, ok, ok. Si vous êtes là, si vous êtes là, tout le monde de la salle. Palacio Nantier, la guerre Mariamou, la guerre Mariou, la guerre Ménajou, la guerre Poupagno. Nous allons de ce comme ça. De ce côté d'abord. 1, 2, 3, 4. Palacio, tout le monde, tout le monde. Tout le monde comme ça, comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, prenez la paix, c'est pour ça. Prenez la paix, c'est pour ça. Gardez ça, gardez ça, gardez ça. Ramassé, sacré la baby. Oui, ramassé, sacré la baby. Oui, ramassé, sacré la baby. Oui, ramassé. Bossé. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Nous allons faire une autre danse. Ça c'est la danse de Choubou. Ça c'est la danse de Choubou. Jazz en Choubou. Choubou. Você, tudo bom. choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, choubou, cette musique, c'est strictement de l'exercice. De l'exercice. Yeah. Oui. On va faire quelque chose. Nous allons séparer Palacio en deux morceaux. Il y a la partie gauche et il y a la partie droite. La partie gauche, c'est ma partie. Et la partie droite, c'est la partie de Bati Kamal. Ok. Zop papa de français, zop papa de français. Tout pour ça, tout pour ça, tout pour ça, tout pour ça, tout pour ça, tout pour ça. Séparé, séparé, séparé, séparé, séparé, séparé. Tout pour ça, c'est pour moi, tout pour ça, c'est pour moi. Nous parlons pour ça. Si nous là, levez les mains, nous on l'a, levez les mains, nous on l'a, levez les mains, nous on l'a. Si nous là, levez les mains, nous on l'a, levez les mains, nous on l'a. Tout le monde s'en sait, hey, hey, hey, hey. Je ne prends pas du chapeau. Nous faisons bon, nous faisons bon. Tout le monde nous voit ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Très bien, très bien, très bien. Bravo, toi, c'est bon, ça, pour moi. Bravo, toi, bagaille. Regarde et écoute. Bip bip bip. Bip bip bip. Bip bip bip. Regardez, oui. Si nous là, levez les mains, nous on l'a. Levez les mains, nous on l'a. Levez les mains, nous on l'a. Si nous là, levez les mains, nous on l'a. Palacio chéri. Haïtien, on s'y est. Nous pouvons le faire imiter. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Lui nous fait la force. Palacio chéri, levez de mes wallets. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Palacio chéri. Il détient la joie. Il se floue. Je y ai place. Faut commencer. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Tous les jours, mais si un bateau on me fâchait. Groupe Tropical, chaque jeudi, 18h-20h. C'est le genre de choses qu'on n'a pas envie qu'ils s'arrêtent. En tout cas, sur le 96.2. On va continuer comme ça avec un petit peu de zouk. Mon amour, Mademoiselle Kissy, tout de suite après. Ce sera Lizzie, avec ce titre extra cible. Hein, c'est quand ils veulent. On m'a dit surtout pas de blanc. Bah non, non, non, il n'y a pas de blanc chez nous, ne vous inquiétez pas. Bisous à toi, Louis. Je sais, ce n'est pas ça que t'imaginais. J'ai beaucoup réfléchi à ça, tu sais. Et quand tout se mélangeait dans ma tête, un regard sur toi, chaque fois ça marche, à tous les coups je perds la tête. Souviens-toi quand je t'avais dit en sourire, oui en sourire. Pour moi c'est fait, t'inquiète, tu sauras, tu sauras. Je le sais, mon amour. J'attends un signe de ta part. Plus comme avant, avant, pour moi c'est plus un hasard. C'est pas faux d'avoir tenté de prendre du recul. Petit à petit j'ai fait de tes bras, oui, mon refuge. T'es naturel, pas besoin avec moi d'en faire plus. Toi pour moi, moi pour toi, oui c'est tout. Je le sais, mon amour. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Dans mes yeux, tu veux te noyer. Sur ma peau, tu veux voyager. Quand tu t'en vas, tu rêves de moi, tu me dévores. Tu perds le nord, tu veux emmener nos décors.

darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. La vie est difficile, faut ne pas bagaille tranquille. Nous qu'est musique pour chill. Nous pas besoin de pilule, faut nous pas trop presser. Nous pas besoin de stresser. Ce soir, on va faire la fête. We're gonna chill. Gardez qui j'aime moi relax. C'est qu'on ça moins fait le besoin de compresser. Gardez qui j'aime moi relax. Ta fiam ap suye telman bien glase. Gade ki jen mwen relax. A fem relax, mba gen problem ke propose. Gade ki jen mwen relax. Map ten jazz la depose. La vie a difficile, fon pran bagay yo tranquille. Nou gen muzik pou n'chill. Nou pa bezwen pilule. Fet la bal komanse. Se sa moun yo tap mande. Fanatik rassemble, et menon lè kap si pare. Mwen zi leve men, mwen leve men, mwen leve men, mwen leve men, mwen leve men, mwen leve men. Thank you. Ces choses qu'on sait, à tout ce qui s'est passé, c'est tard et trop loin. En couleur. En couleur. Sans ton bon amour, j'ai pas volé. Sans ton bon amour, j'ai pas volé. tropical chaque jeudi entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui nous vient Caraïbes. Voilà. J'ai longtemps cherché, la route était longue, je me suis arrêtée quand j'ai su que c'était toi, quand j'ai su que c'était toi. Je fis le passé, t'es mon échappatoire et tu m'en ivres avec un simple baiser, avec un simple baiser. Et je pense à toi non-stop, j'ai tellement peur que tu m'échappes. Tant que tu es là, moi ça va, tant que tu es là, moi ça va. Tu es mon idéal, mon étoile parmi les étoiles. Toujours compter sur moi. Jusqu'au bout du monde j'irai, je traverserai les mers juste pour t'avoir. Faire le tour du monde je ferai, j'ai des frissons juste au son de ta voix. Jusqu'au bout du monde j'irai, je traverserai les mers juste pour t'avoir. Faire le tour du monde je ferai, j'ai des frissons juste au son de ta voix. Son géant là, Qui pas qu'on abandonnait. nana. J'en ai même ma fait dans sa bébé. Bien plus folle d'être une paille sous sa bébé. Pas qu'à dire ça déjà bébé. L'âme sentie pour guérir la chose. See you. cœur se meurt sans toi se retrouvera au-delà. On t'a ôté à moi, on méritait pas ça. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. En dépit de tout, ça vous les fait me comprendre. Je garde l'espoir qu'il y a quelque part un être parfait qui vous partage et vit, qui va faire sentir d'un coup désespéré. Dernièrement vous dit que c'est une seule fois mon rêve. Tout ça que fait après c'est déversé habitude. Ou qui ou t'es vine en vie, si ou te connais, c'est qu'on s'en pense. Pas toi qui t'es beau prix, que moi pour grand merci. Ou qui ou t'es vine en vie, si ou te connais, ou pas de vine pour aider. Pas toi l'onge blâme, ou t'es doué qui t'es péri. Si on t'y dispute, ça mette ou en colère. Faut éviter de répéter des mots blessants, car même si vous t'as dit un million I'm sorry, il va bien passer toute peine que vous causez. Après tout temps ça, vous dit gagner une vie ou pas pour rien, ou même déclarer ces circonstances qui font ensemble, ou qui t'es vine dans vie. Si vous déconnez, c'est qu'on s'en pense. Pas toi qui t'es m'offrir, que moi pour grand merci. Ou qui vous t'es vine en ville. Si vous déconnez, on pas de vine pour aider. Pas toi, non, j'aime la main. Ou t'es toi qui t'es m'pédit. Tell me where to go. On cap déranger, yon jou quand même dans l'existence. Même si prétend ou l'autre pays, conscience ou va poser aux questions. Ouais, c'est moi qui t'es bon pour vous. Why is it hard to find you? Why love is so difficult? I'm a fighter, I won't give up. But there's a will, there is a way. Sou pa vle mwen m ap pase nan pra yon moun ki vle se pa va se wè mè yon pou soufi ni pou deside pa va pu tout sa sans importance nan jè pa ka richesse yon lòt moun. C'est toi qui t'as fait être moins menti. Malgré son crash, j'ai qu'à m'obliger à aller. Patience, moins bout, moins pas qu'attendre. On ne se bat pas d'arriver, j'ai fait mais. Pour l'amour, pas ma guerre, existence en moins. T'en passe vite, c'est la bagaille au mail. Le rap souffrir, c'est le courrier. Groupe Tropical à chaque jeudi, 18h-20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Yeah, yeah. Oui, there. Pump is there. B.A.B. B.A.B. B.A.B. Tout ça vient d'y faire real. You know how me a do it, yeah. Yeah, jumping a hit, yeah. B.A.B. B.A.B. B.A.B. Baga, baga, B.A.B. Petit, oh, petit. Balé, on est pour messagerie. Me not tell no lie. Pachi, pata, ta, ta. Pachi, pata, ta. Me not tell no lie. Pachi, pata. À la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. La, la, la, la, la, la, la, la, la. T'es sorti ensemble sans savoir là nous t'es calé. Comme des bateaux sans mettre, nous t'es parti à la dérive. Tu check qui nous fragile, toujours qu'un besoin de compagnie. Mais moi, pas t'es avec que c'est au qui moi t'es qui aimé. Attendez devant moi, c'est vous moi t'es qu'à voir. Et moi pas t'es au fort. Attendez devant moi, c'est vous moi t'es qu'à voir. Et moi pas t'es touché. Mon Dieu qui faisait assez plein genre que moi échoué. Dieu qui j'avais c'est toujours qu'un besoin oublié. Moi avec pour moi c'est ça qui est important. Moi t'es qu'il veut voir plus mes tiens, moi j'ai déchiré. Pourtant, attendez devant moi, c'est vous moi t'es qu'à voir. Et moi pas t'es petit ça. Attendez devant moi, c'est vous moi t'es qu'à voir. Et moi pas t'es petit. Vie à moyen verbe, c'est ça, moi, camarade. Appelle pas passer moi d'air, car ça pour moi virer. C'est moi qui pas fait les peines, qui pas qu'à quémander. Mais on te fait le maximum pour pas changer l'idée. Ou plus qu'il a qui bijou. Les moyens verbes à l'issaison, on l'appelle tous les jours. Avant t'es ni moi, t'es ni vous. Je place nous, officialiser les choses. Ok, mettre moi à jour, nous. C'est vous moi t'es qu'à voir. Et moi pas t'es pé touché. Petite pensée à Patrick Saint-Éloi avec ce titre Rêve en moi interprété par David. Moi j'aime bien cette version, cool, sur le 96.2, là, votre émission Groupe Tropical. Allez, on continue encore comme ça, encore un petit quart d'heure hein, à passer ensemble. C'est votre émission Groupe Tropical. Tesoro, bebé, ya vi la rollo, oh, eh. anima boca ña vera, ña forza ña fonte energia, sem bogo from morning da fica. Morning in credo, morning tamau e partiro, mar entrego sendero, amor e verdade, tata ciò faccio, quando sta coperto, vieni comigo e canso pra mim, quando non tieni tempo, quando non tieni tempo. Pour lui, l'homme lui vient téléphoner. Elle voulait m'avilir. Voilà, il est presque 20h sur la FM Tous en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, même heure, même soleil, même endroit. Surtout restez bien fidèles au 96.2. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous laisse avec Richard Virbon pour terminer. La vie est belle, profitez-en. Et c'est une nouveauté sur le 96.2. Oh, 16-2. La FM en couleur. No contra-ataque, o jogo está empatado a zero. Atenção, olha a formação sueca a tentar criar perigo. Bola para o ataque, para o interior da área, mas foi lá depois no corte o jogador do Vitória, Miguel Maga, a despachar pela linha de cabeceira. Vai haver ponta, pé de canto à direita do ataque da equipa do Dude Garden. Digamos que o Vitória, Manel, acaba por equilibrar um pouco o jogo nesta fase da partida. Sim. Entrou melhor, de facto, a equipa da casa, mas o Vitória já reagiu. Sim, o Dude Garden teve esse período em que submeteu o Vitória, mas respondeu a equipa portuguesa também com 2-3 minutos em cima da área de Jakob Vila. Pontapé de canto que será cobrado por Daniel Stenson. Lado direito do ataque sueco, aí está Stenson a levantar, primeiro posto, falhou ali a interseção, o homem do Vitória, mas acaba por a bola ficar na posse da equipa portuguesa. Estamos com 10 minutos na segunda parte. Vamos carimbar esta emissão mundial da Antena 1. Estamos a transmitir a partida entre Dude Garden e Vitória de Guimarães, Liga Conferência, segunda jornada. 10 minutos da segunda parte, mantém-se o 0-0 no marcador. Desporto, Antena 1. Aumentou a vantagem há pouco a equipa do Chelsea com uma assistência de Pedro Neto para Mudryk marcar o 2-0 e depois João Félix, depois desse golo de Mudryk aos 49, aos 55, bisou na partida. Panathinaikos 0, Chelsea 3 nesta segunda ronda da Liga Conferência. Vamos agora virar agulha para a Liga Europa com o primeiro contacto com o Estádio do Dragão. Som cuidado pelo Edgar Barbosa. A reportagem é da Cláudia Martins. Os comentários do Vítor Martins. O relato do Fernando Eurico para esse Futebol Clube do Porto Hoffenheim que vai começar às 20 horas. Mas Fernando Eurico, muito boa noite. Já temos 11 iniciais de Porto e Hoffenheim. Um abraço. Um abraço, David Carvalho, também ao ouvinte Antena 1, a partir aqui do Estádio do Dragão e com novidades. Na linha defensiva, Martim Fernandes e também Tiago Jaló vão estar no 11 inicial do Porto, sendo que Ivan Reime é igualmente titular na equipa de Vítor Bruno. Diogo Costa, guarda-redes, Martim à direita, Francisco Moura à esquerda, Neuan Pérez faz parelha com Tiago Jaló, de resto já assim foi no jogo da taça diante do Sintrense na Reboleira. Depois Alan Varela, Ivan Reima, Nico Gonzalez, Pepe Galeno e Samu. É este 11 inicial da formação do Futebol Clube do Porto. O Hoffenheim da Alemanha tem também uma novidade que os portugueses, muito provavelmente aqueles que seguem mais a segunda liga, conhecem. Arturo Chaves, defesa central pela Seleção Olímpica do Brasil, é titular na equipa germânica, que tem o guarda-redes Baumann como o primeiro elemento de campo. Depois, três defensores, Arturo Chaves, Stach e também...